Léopold de sa chère Mazoche, la tante sourde. Pendant l'hiver de 1636, tandis que le centre de l'Europe était ravagé par la guerre, l'heureuse Hollande célébrait son carnaval, aussi effréné et aussi brillant que par le passé. Là, le carnaval avait encore conservé un caractère tout vénitien. Les masques avaient envahi les rues de la ville industrielle de Harlem. Ils entraient librement dans les maisons éclairées et ouvertes jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Dans quelques-unes, on avait mis le couvert pour tous les visiteurs de passage, et partout on entendait de la musique, des plaisanteries et des rires joyeux. Devant la maison du grand négociant Jonas von Port, richement ornée de sculptures, avec des chambres en saillie sur la rue, passait une bande de masques bruyants, déguisés en corybantes et en bacchantes, portant sur leurs épaules un gros silène monté à califourchon sur un tonneau, lorsque Ter Borch, un jeune peintre, apparut à l'entrée de la rue. Soudain, la fenêtre du premier étage s'ouvrit, et une jeune fille, toute ravissante dans le désordre de ses boucles blondes, regarda dehors. Ter Borch s'arrêta, saisi d'admiration, la fenêtre se referma sur la gracieuse apparition. Alors, dans l'espoir que la jolie blonde ne tarderait pas à reparaître, Ter Borch se cacha vis-à-vis de la maison, dans un coin obscur, entre deux magasins formant saillie sur la rue. Il était depuis quelques instants seulement en observation, quand elle vint s'asseoir dans l'embrasure de la fenêtre. Un perroquet gris, perché tout près d'elle, s'efforçait de saisir un morceau de sucre sur les lèvres fraîches et roses de sa maîtresse. Ter Borch trouvait le tableau si agréable qu'il s'empressa de sortir de sa poche un album et d'y fixer avec le crayon cette petite scène. La jeune fille s'en aperçut bientôt, et tout en menaçant du doigt l'artiste, elle disparut à l'intérieur de la maison. « C'est Jacobea, la fille de Jonas von Port, » dit un boutiquier voisin, près de qui Ter Borch voulut s'informer. Le peintre se rendit au cabaret le plus proche, et là, devant une cruche de bière et la pipe à la bouche, il se mit à réfléchir avec le flegme habituel aux Hollandais. Que devait-il faire? Jacobea lui plaisait beaucoup, et il était déjà résolu d'achever cette connaissance, ébauchée d'une manière qui lui paraissait encourageante. Dans les affaires d'amour, pensait-il, le succès appartient ordinairement aux audacieux. Cette réflexion lui inspira l'idée de se rendre chez un pelletier, où il acheta une magnifique peau d'ours. Le soir venu, un ami l'aida à faire de cette peau un déguisement, sous lequel il lui fut aisé de pénétrer dans la maison de Jonas von Port, dont les salons étaient inondés de torrents de lumière que répandaient des centaines de bougies. Véronica von Port, la maîtresse de la maison, avait revêtu un costume de dogaresse, et sa fille Jacobea était habillée en boutiquière vénitienne. Entourée de ses amis sous des travestissements variés, Jacobea se tenait dans une petite chambre boisée et remettait un bouquet à toutes les personnes qui entraient. Ter Borch fendit la foule des jeunes patriciens qui se pressaient, transportés d'admiration, autour du groupe formé par Jacobea et ses amis. Il s'étendit sans façon en ours civilisé au pied de la bouquetière. Prise d'une terreur subite, toutes les jeunes filles se mirent à pousser des cris d'effroi. Mais ces cris se changèrent bientôt en rires et en caresses pour cet ours si gentil qui ne demandait qu'à servir de tabouret à son adoré. « Est-ce que tu ne peux pas parler ?» demanda la gaie Godwina von der Mühlen. L'ours fit un signe de tête affirmatif. « Et quels sont les tours que tu sais faire ?» dit Jacobea. L'ours se dressa debout et se livra à une danse très drôle qui lui valut les acclamations unanimes des spectateurs. Ensuite, il décrocha un luth qu'il venait d'apercevoir au mur du salon et se mit à chanter une barcarolle vénitienne avec une belle voix de baryton. « Mais tu es un ours bien élevé !» s'écria Godwina. « Qu'est-ce que tu sais encore ?» L'ours demanda du papier et, en quelques coups de crayon, il esquissa le portrait de toutes les charmantes filles. De nouveau, Jacobea le menaça du doigt, tandis que ses jeunes amis l'accablaient d'éloges. « Et quelle récompense exiges-tu ? » interrogea la jolie bouquetière avec un malicieux sourire. L'ours se mit à genoux devant elle et réclama la même faveur qu'elle avait accordée à son perroquet. « Oh, on ne donne pas de sucre aux ours !» s'écria-t-elle. « On les enchaîne seulement. »« Eh bien, j'y consens, » répondit Terboche. « Enchaîne-moi, mais pour toute la vie !» Jacobéa tressa vite une guirlande avec les fleurs qui lui étaient restées et en enlaça le cou velu de l'ours. Dans les premiers jours du carême, Von Port fit restaurer et repeindre sa maison. Sur de longues échelles, les aides du maître Brumans montaient et descendaient en faisant allégément leurs grosses brosses. Très curieuse, Jacobéa se pencha à une fenêtre et rencontra tout à coup le regard de Terborch. Il s'était vêtu en ouvrier et travaillait parmi les autres artisans. « C'est vous, dit la jeune fille. Pourquoi vous trouvez-vous parmi ces ouvriers ?»« Pour vous dire que je vous aime. »« Alors c'est peine perdue, mine Herr Terborch, car d'abord, je le sais depuis longtemps. Et puis, mes parents ne souffriraient jamais que je devasse la femme d'un jeune homme pauvre et inconnu. » « Alors vous me renvoyez sans espoir ?»« Aujourd'hui, oui, mais si vous voulez m'attendre demain sur la glace, je vous le permets. » Vers le soir, Jacobéob alla voir sa tante Maria Béda, une vieille demoiselle qui possédait une petite maison située dans un jardin du faubourg. Elle ouvrit tout son cœur à cette excellente femme. « Tu pourras le voir chez moi, dit la tante. » « Cela vaudra mieux que des cachotteries qui ne mènent ordinairement à rien de bon. »« Mais, ma tante, deux amoureux ont à se dire bien des choses qui ne sont pas destinées à être entendues par les oreilles d'une tante, fût-ce une tante aussi bonne que vous. »« En votre présence, Terboche sera mal à l'aise. Il manquera de courage pour me faire les doux aveux que j'attends de lui. »« Si ce n'est que cela, ma chère petite, tu lui diras que tu as une tante sourde, sourde comme un pot. » et que vous pourrez causer sans la moindre gêne. « Oh, vous êtes adorable !» s'écria la blonde petite friponne, en baisant toute ravie les mains de la bonne tante. Les amoureux s'en rencontrèrent parmi les patineurs, et le lendemain, dans l'après-midi, Terborch se présenta chez Mademoiselle Béda, où l'attendait déjà Jacobéa. La bonne tante le salua cordialement. « Vous êtes un ange, mademoiselle !» commença Terborch. Mademoiselle Béda lui fit signe qu'elle ne l'avait pas compris. « Vous êtes un ange !» dit Terborch à haute voix. « Qu'est-ce que je suis ?» demanda la tante. « Vous êtes un ange » cria-t-il. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Mademoiselle Béda en s'adressant à sa nièce. « Un ange !» lui dit celle-ci à l'oreille. « Bien obligé, mein Herr Terborch. » Puis la vieille demoiselle s'assit dans l'embrasure de la fenêtre et se mit à faire de la dentelle, tandis que les jeunes gens approchaient une petite table pour jouer aux dames. « Mais c'est charmant, dit Terborch, votre tante est donc tout à fait sourde. Une pareille tante est digne d'être enchâssée. » Jacobéa se troubla un peu, et Mademoiselle Béda avait grand-peine à se contenir et à ne pas rire au nez du galant. Terborch baisa à plusieurs reprises la jolie petite main rose et se penchant vers Jacobéa. « C'est très gentil d'avoir une tante sourde, dit-il, mais je ne sais si je ne préférerais pas une tante aveugle. »« Vous blasphémez !» s'écria Jacobéa, tandis que la tante regardait dans la rue pour cacher son envie de rire. « Votre tante est une perle fine, continua Terborch, mais la même tante ne peut pas posséder toutes les qualités. Peut-être avez-vous, parmi vos nombreux parents, une autre tante, en présence de laquelle je pourrais vous embrasser une fois, une seule fois. » Mademoiselle Béda fit un nouveau signe et se leva, en tournant le dos pour examiner la rue silencieuse. « Un baiser et un seul, vous l'aurez, dit Jacobéa. Pour le moment, ma tante est sourde et aveugle, elle ne verra ni n'entendra rien. » Elle lui offrit sa fraîche bouche d'enfant. Terborch la serra sur son cœur et l'embrassa tendrement. La tante ne se retourna et ne reprit sa place que lorsqu'elle jugea que les deux amoureux avaient eu le temps de se remettre à leur jeu et de paraître si absorbés. « Vous m'aimez, Jacobéa, dit Terborch après quelque temps. Il y a pour nous deux routes qui conduisent au bonheur. La première et la plus longue serait d'attendre en travaillant à me faire un nom et à conquérir la fortune. La seconde, beaucoup plus courte, serait de vous enlever et de faire bénir notre union en Angleterre. » À peine eut-il fini de parler que la tante fit un signe à Jacobea en touchant son pied sous la table et en secouant la tête derrière le dos de Terborch. « Nous choisirons la plus longue route, » répondit Jacobea. « C'est la plus sûre. »« Vous n'avez donc pas confiance en moi ?»« Si, mais mes parents ne me pardonneraient jamais de les avoir affligés et d'avoir déshonoré leur nom. » « Alors patience, » fit Terborch avec un gros soupir. « Oui, répliqua Jacobea, il faut prendre patience, peindre et gagner beaucoup d'argent. » Leurs entrevues se renouvelèrent fréquemment jusqu'à la fin de l'été suivant, sous la protection et la prudente surveillance de la tante, avec la seule différence que les bosquets touffus du jardin avaient remplacé le petit salon. Les feuilles commençaient à se colorer des teintes de l'automne, les cigognes se dirigeaient vers le sud, et la gelée blanche argentait le gazon pendant la nuit, lorsqu'à Harlem apparut une étoile qui apportait la fortune à Terborch. Au mois de novembre 1637, une jeune et belle femme, habillée comme une turque, descendait à l'hôtel de l'Éléphant d'Or. Elle arrivait avec une grande quantité de bagages entassés dans plusieurs voitures et suivie de nombreux serviteurs, parmi lesquels deux nègres et une négresse. Bientôt, on ne parla que d'elle, de sa beauté et de ses richesses fabuleuses. On apprit par les domestiques qu'elle était la fille du sultan de Babel et qu'elle s'était enfuie de la maison de son père en emportant une partie de ses trésors. Elle avait voulu se convertir à la religion catholique et s'était fait baptiser à Rome, après quoi elle avait résolu de voyager à travers les principaux pays de l'Europe. Un soir, Terborch revenait d'un village voisin. En approchant de la ville, il entendit des cris. Il hâta le pas et arriva juste à temps pour défendre deux femmes voilées contre un groupe de jeunes patriciens trop entreprenants. Il tira son épée et les mit en fuite. Les jeunes femmes que Terborch venait de secourir étaient la sultane Palmyra de Babel et Zoé, sa négresse. L'étrangère remercia le jeune peintre en lui promettant sa protection. Elle lui fit faire son portrait qu'elle paya largement. Elle lui inspira ensuite un tableau ayant pour sujet le banquet d'Assuérus. Ce fut elle qui posa pour le personnage d'Esther. Ce tableau fit la réputation de Terborch. De tous côtés affluèrent les commandes, et bientôt il fut considéré comme un maître. Ses relations avec la sultane finissaient par inquiéter un peu Jacobea. La jalousie vint se glisser dans son cœur. Un jour, elle se mit à questionner sérieusement Terborch. « Qu'avez-vous à faire chez cette aventurière ? » demanda-t-elle. « Elle est pour moi une protectrice puissante et en même temps un modèle superbe pour les figures bibliques. »« Un modèle ? Vous n'avez pas besoin d'un autre modèle que moi ? » s'écria Jacobea. « Moi ou ma tante ?»« Sachez que je serais ravie de pouvoir vous peindre toutes les deux. »« Eh bien, vous pouvez commencer immédiatement. Cela vous dispensera d'aller si souvent chez votre sultane. » Terborch se mit aussitôt à l'œuvre, et quelques semaines après, il avait achevé les deux plus délicieux tableaux de genre qu'ait produit son élégant et fin pinceau. L'une représentait la bonne tante assise à une fenêtre et faisant de la dentelle. L'autre montrait Jacobea debout dans l'embrasure d'une fenêtre ouverte, avec un perroquet à côté d'elle. Exposés chez un marchand d'objets d'art, ces deux chefs-d'œuvre obtinrent un succès qui dépassa les espérances les plus extravagantes de l'auteur. Les amateurs renchérissaient l'un sur l'autre. Le comte Hochstraten, pour devenir possesseur de ses toiles, dut les couvrir d'or. Mais ce n'était pas tout. Une après-midi, Mademoiselle Béda et Terborch attendaient depuis longtemps Jacobea. Elle arriva enfin, tout essoufflée, mais rayonnante de bonheur. « Terborch, s'écria-t-elle, ma tante, nous pouvons nous marier, mon père vient d'y consentir. » « Merci, mon Dieu !» dit Mademoiselle Béda, presque aussi joyeuse que sa nièce. « Mais vous n'êtes donc plus sourde ?» demanda Terborch étonné. « Je n'ai jamais été sourde !» répondit la bonne tante en souriant. « Nous avons seulement joué la comédie devant vous. » « Mon père m'a reconnue dans votre tableau, » continua Jacobea. Alors l'orage a éclaté. Mais je lui ai déclaré que je ne prendrai jamais d'autre mari que vous. Et il a fini par donner son consentement. Enfin, je vais être heureux. » Et Terborch, attirant sa bien-aimée, l'embrassa passionnément. « Et savez-vous qui est votre sultane de Babel ?»« Une jeune Polonaise, la fille du rabbin Love de Cracovie, une courtisane célèbre. »